Ma tête est détachée de mon corps. Mon corps est de bois mort. Je ne suis pas allongé. Je suis assis, les bras tombants. Mon corps devient la chaise où je suis assis. Je suis une tête sur une chaise et je guette. Je vois un chat passer devant moi. Le chat est mort. Et le chat n'est pas mort. Le chat est ainsi dans la réalité quantique. Je dors. Je ne suis pas mort. Je ne fais rien, je suis contigu à la mort. Parce que mon corps est une chaise. Je pourrais noyer la chaise, défenestrer la chaise, tirer la chaise.